marina de te vida e fa marina da lovanga mas não é que bona it que quiser win se mala nova e se nada tata bona manga no me fa mata zão na e fa tata budi unde se mala minha lapa que nhan fa é cozin tapa com fati mete que zingro na nhena com j'ai jamais vu une fille comme toi dans la ville de Zion. Franchement, tu m'étonnes. C'est fou, quoi. Baby, fais-moi confiance, jamais je te quitterai. C'est fou, quoi. Faïs, quoi. Si ma efien nga si ba mangari badi saja eko ti senosa cara ti mie omi omai chaka milanosa manda kizai me don la via pakia bafe bebe si me su usu la fake ye ye asana nganzinye no si fulkwe toni indra nga fana tombine adana nga ti manzari Oh,